Frédéric, en traversant le corridor, entendit deux voix qui se répondaient. Celle de Madame Arnoux disait « Ne mens pas, ne mens donc pas !» Il entra, on se tut. Arnoux marchait de long en large, et Madame était assise, sur la petite chaise près du feu, extrêmement pâle, l'œil fixe. Frédéric fit un mouvement pour se retirer. Arnoux lui saisit la main, heureux du secours qui lui arrivait. « Mais je crains !» dit Frédéric. « Restez donc !» souffla Arnoux dans son oreille. Madame reprit. « Il faut être indulgent, monsieur Moreau. Ce ne sont de ces choses que l'on rencontre parfois dans les ménages. C'est qu'on les y met, » dit gaillardement Arnoux. « Les femmes vous ont des lubies. Ainsi celle-là, par exemple, n'est pas mauvaise. Non, au contraire. Eh bien, elles s'amusent depuis une heure à me taquiner avec un tas d'histoires. « Elles sont vraies !» répliqua madame Arnoux impatientée. « Car enfin, tu l'as acheté. Moi ?»« Oui, toi-même, au persan. » Le cachemire, pensa Frédéric. Il se sentait coupable et avait peur. Elle ajouta de suite. « C'était l'autre mois, un samedi, le 14. Ah, ce jour-là, précisément, j'étais à Creil. Ainsi, tu vois. »« Pas du tout, car nous avons dîné chez les Bertins, le 14. »« Le 14 ?» fit Arnoux, en levant les yeux, comme pour chercher une date. « Et même le commis qui t'a vendu était un blond. »« Est-ce que je peux me rappeler le commis ?»« Il a cependant écrit sous ta dictée l'adresse 18 rue de Laval. »« Comment sais-tu ?» dit Arnoux stupéfait. Elle leva les épaules. « Oh, c'est bien simple. J'ai été pour faire réparer mon cachemire et un chef de rayon m'a appris qu'on venait d'en expédier un autre chez madame Arnoux. »« Est-ce ma faute à moi s'il y a dans la même rue une dame Arnoux ?»« Oui, mais pas Jacques Arnoux, » reprit-elle.